Je me sentais si désemparée. Je n'ai rien vu venir, tu sais. Il a su m'apporter ce qu'il me fallait.